La jeune troupe marche au pas, claquant des sabots, branche à l'épaule. À Valmy, leur père n'était pas beaucoup plus vieux. Les faces sont joviales. Après tout, tant que le feu du canon ne s'est pas fait entendre, la guerre reste le meilleur des jeux. Le chemin les mène aux abords du fort. Tiens, l'ennemi, le voilà. Au pied du mur, devant une fenêtre à barreaux, à demi-murée, une sentinelle en faction. Ces grands gens, inconscrits, un peu crétins et totalement méchants. Personne ne peut le sentir. On dirait qu'il les attend. Il grogne, secoue son fusil d'un geste menaçant. Foutez-moi le camp, petit saligo! C'est défendu de venir ici, vous m'entendez? Défendu! De camper ou je vais vous en fiche, moi, vous allez voir! Les garçons se sont arrêtés. Ils le toisent, hargneux, soudain comme des roquets. Le grand Martin, leur chef, répond d'un ton agacé. Laisse-nous aller! On s'en fout de ta fenêtre, nous! On défile! Grandjean se braque aussi sec. Vous ne passerez pas devant, que je vous dis. Sécurité d'État, je vais vous faire tâter de ma baguette, bougre de petit. Les insultes fusent des deux côtés. Les gamins narguent Grandjean tant et si bien qu'ayant retiré la baguette de son fusil, il cingle l'air à tout va et s'élance sur l'enfant le plus proche, le manque de peu et court de plus belle après les autres qui s'enfuient. Le grand Martin et Pierre l'ont habilement évité, restant là-devant, tandis qu'il talonne la bleusaille et s'éloigne. Martin tire Pierre par la manche, vers la fenêtre. « Viens, on va voir !»« Quoi ?»« Ben quoi, quoi ? Le nègre qui est arrivé l'autre jour, c'est pour lui tout ce bazar !»« Le quoi ? Pierrot, toujours dans la lune, hein ?» Il lui met une tape sur la tête et se penche contre les barreaux, s'y agrippant à pleine main. Pierre fait de même. Il n'y voit rien. Pas de lumière là-dedans. Ou c'est tout comme. Et leurs yeux n'ont pas le temps de s'y habituer. Le grand Martin lève la voix. Avec tout ce noir, on risque pas de le voir, pas vrai? Et il éclate d'un rire forcé avant de se lever et de s'enfuir. Mais Pierre n'a pas bougé. Les mains crispées sur les barreaux. Il devine une présence immobile. Un souffle discret. Un regard qu'il cherche longtemps, en vain. C'est un coup de baguette cinglé de toute sa force par Grandjean, ravi de ne pas rester bredouille, qui le fait détaler en hurlant.